Nous allons maintenant traiter le sujet de dissertation « Peut-on tirer des leçons de l'histoire ?» Ce sujet nous incite à réfléchir sur la fonction de l'histoire en articulant bien les deux sens de cette notion. D'une part, l'histoire comme ensemble des faits passés, et d'autre part, l'histoire en tant que récit portant sur ces faits passés et discipline produisant ce récit. Le terme de leçon est également à considérer dans sa polysémie. Évidemment, on pense à sa signification épistémologique. Une leçon, c'est un discours visant à transmettre un savoir. Mais il faut également prendre en compte sa signification morale. Il peut être question d'une leçon de morale, autrement dit d'un discours qui ne se veut pas simplement descriptif, mais également normatif, qui prétend en ce sens prescrire des comportements, indiquer quelle conduite adopter ou ne pas adopter, et donc qui va chercher dans le passé des modèles ou des contre-modèles en vue de l'avenir. Donc, il faut bien prendre en compte ce double sens d'histoire et double sens de leçon qu'il va falloir articuler dans notre réflexion. À partir de cela, nous allons construire une introduction. On accorde une grande importance à l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire au récit des faits passés, dans les parcours éducatifs. Dans une perspective politique, il s'agit de donner aux membres des jeunes générations des repères culturels afin de les inscrire dans une histoire collective. Il s'agit aussi de pouvoir rendre le présent compréhensible à la lumière du passé. On a tendance à attribuer à cet enseignement une fonction morale. De l'étude des faits passés, on prétend tirer des leçons pour l'avenir afin d'éviter que les tragédies du passé ne se répètent. L'histoire peut en effet apparaître comme une succession de guerres et de massacres. Le rappel de ces événements est supposé permettre de conjurer le passé. En même temps, en inculquant ce passé aux jeunes générations, on indique quelles erreurs ne pas répéter. Cependant, en subordonnant ainsi l'histoire à la morale, ne sortons pas d'une discipline à vocation scientifique, c'est-à-dire descriptive, explicative, fondée sur des méthodes rigoureuses, pour basculer dans le registre de la mémoire, notamment la mémoire collective. Cette dernière renvoie à l'histoire vécue et vécue surtout de façon passionnelle, émotionnelle. Tandis que l'histoire comme discipline cherche à reconstruire le passé tel qu'il s'est effectivement produit. On peut en outre s'interroger sur l'efficacité de cette démarche moralisante. Raconter les faits passés ne semble pas avoir réellement permis de faire cesser les guerres. Ce n'est pas une pratique nouvelle. On a toujours raconté le passé. Est-ce que ça a changé les choses? C'est difficile à dire. Au contraire, le rappel des tragédies passées est même susceptible d'attiser les colères, le ressentiment collectif. Peut-être la fonction morale de l'histoire ne serait-elle alors qu'une apparence? Et devrions-nous alors chercher une fonction véritable, peut-être encore moins louable? Enfin, la focalisation maladive sur le passé est peut-être le signe d'un enchaînement à celui-ci. Ainsi donc, tirer des leçons de l'histoire, n'est-ce pas aussi chercher à s'en libérer? On répondra à cette problématique en trois parties. Tout d'abord, on verra qu'apprendre l'histoire ne semble que rarement se traduire par apprendre de l'histoire. Et pourquoi? C'est bien parce que l'histoire n'a pas d'abord une fonction morale, mais bien une fonction politique. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que les sociétés malades de leur passé doivent adopter un regard critique vis-à-vis de celui-ci.